Aujourd'hui c'est ton anniversaire. J'ai en tête une chanson qu'on peut faire pour fêter ce jour extraordinaire. C'est une chanson que j'ai composée quand j'étais dans les cabinets. Je l'ai écrite sur du papier. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Regarde, tous les gens qui t'aiment sont à côté de toi. Il y a même un petit chien qui remue la queue. Souris pour la photo, et n'oublie pas que tu n'as qu'un seul anniversaire dans l'année. Alors profite bien de ce jour fabuleux en t'amusant le plus que tu peux.